Les ducats tombés du ciel. Прослушайте текст и скажите, как бедная девушка обрела несметные богатства. Il était une fois une petite fille dont le père et la mère étaient morts. Elle était si pauvre qu'elle n'avait ni chambre ni lit pour se coucher. Elle ne possédait que les vêtements qu'elle avait sur le corps et un petit morceau de pain qu'une âme charitable lui avait donné. Mais elle était bonne et pieuse. Comme elle était abandonnée de tout le monde, elle se mit en route à la garde du bon Dieu. Sur son chemin, elle rencontra un pauvre homme qui lui dit « Hélas, j'ai si grand faim, donne-moi un peu à manger. » Elle lui présenta son morceau de pain tout entier en lui disant « Dieu te vienne en aide » et continua à marcher. Plus loin, elle rencontra un enfant qui pleurait, disant « J'ai froid à la tête, donne-moi quelque chose pour me couvrir. » Elle ôta son bonnet et le lui donna. Plus loin, encore, elle en vit un autre qui était glacé faute de camisole, et elle lui donna la sienne. Enfin, un dernier lui demanda sa jupe, qu'elle lui donna aussi. La nuit étant venue, elle arriva dans un bois. Un autre enfant lui demanda une chemise. La pieuse petite fille pensa « Il est nuit noire, personne ne me verra, je peux bien donner ma chemise. » Et elle la donna encore. Ainsi, elle ne possédait plus rien au monde. Mais au même instant, les étoiles du ciel se mirent à tomber, et par terre, elle se changeait en beau ducat reluisant. Et quoiqu'elle eût ôté sa chemise, elle en avait une toute neuve de la toile la plus fine. Elle ramassa les ducats et fut riche pour toute sa vie.